ciel s'éteint quand chaque matin tu me laisses à mon sort solitaire. Ton odeur sur mon cœur, mais tu es ailleurs. Tu t'éloignes de moi quand tu penses à elle. Une question de temps. Mon amour ne tient plus qu'à un fil. Juste une question de temps. Tous ces souvenirs qui défilent. Une question de temps. J'aimerais que tu me dises pourquoi tu en aimes une autre que moi. Traces de tendresse que tu me laisses. Mon cœur succombe sous les décombres de ce que fut un jour notre histoire, ma détresse. Une question de temps. Mon amour ne tient plus qu'à un fil. Juste une question de temps. Tous ces souvenirs qui défilent. Une question de temps. J'aimerais que tu me dises pourquoi en aime une autre que moi. Je vais continuer à vivre sans plus jamais sourire, car de l'amour de ma vie ne me reste qu'une ombre. Mon destin solitaire, mon cœur de poussière, ne me laisse pour avenir qu'un couloir sombre. Une question de temps. Ma vie ne tient plus qu'à un fil. Une question de temps. Tous ces souvenirs qui défilent. Une question de temps. J'aimerais que tu me dises pourquoi. Simplement le souvenir de toi dans mes rêves. Une vie inachevée, un amour blessé. Je quitte ce monde aujourd'hui.